Chapitre 11e. Sous un rapport, Mrs. Barnaby était considérablement plus favorisée qu'elle ne l'avait espéré l'être, car le fabricant de toile et la famille du fabricant de toile occupaient dans la société un rang beaucoup plus élevé qu'elle ne s'y attendait. M. Peters avait été pendant plusieurs années un actif et heureux manufacturier. Sa manière de vivre n'avait été ni au-dessus de ce que ses moyens lui permettaient, ni au-dessous des jouissances que pouvait lui procurer l'ample fortune qu'il avait acquise par son travail. Sa femme était une personne distinguée, agréable et spirituelle, faite pour être parfaitement accueillie, quelle que fût la société que pouvaient lui ouvrir les hasards du commerce. Elle avait été suffisamment douée par la nature et par l'éducation qu'elle avait reçue pour tenir sa place avec honneur dans les salons les plus relevés, et en même temps, elle était absolument dépourvue de ses prétentions qui auraient pu la conduire, si par une chance contraire elle avait épousé un manufacturier pauvre au lieu d'un riche, à le rendre malheureux et à l'être elle-même. Le fils aîné, qui avait été on ne peut mieux dirigé pour suivre les traces de son heureux père, était déjà marié et installé à Frome, avec une part dans les affaires dont il était actuellement le soutien le plus réel. Le plus jeune, qui était destiné à l'église, était en ce moment chez son père, pour quelques mois encore, avant de commencer son temps de retraite à Oxford, et les trois filles, selon toute apparence, avaient reçu l'éducation et les manières nécessaires à des jeunes personnes qui étaient appelées à tenir le premier rang parmi les belles de la salle de bal de Clifton. Leur maison, telle qu'elle était meublée, le nombre de leurs domestiques et tout leur établissement dépassaient également ce que la veuve s'était imaginé, si bien qu'en fin de compte son arrivée à Clifton fut pour elle une fort agréable surprise. Ce fut par une délicieuse soirée de la dernière semaine de juin qu'un des fiacres de Bristol déposa au numéro 4 de Rodney Place Mrs. Barnaby, sa nièce, sa John Ingham et ses mâles. Les dames de la famille Peters venaient précisément de quitter la table et attendaient leurs parents dans le salon. Il ne faudrait pas supposer que l'intéressante veuve fît son entrée chez ces dames avec une toilette du genre de celle qu'elle s'était promise pendant son séjour à Exeter. Elle n'était pas si étourdie. Et la pauvre Agnès commençait déjà si bien à la connaître qu'elle ne fut nullement surprise quand elle la vit, la veille de leur départ d'Exeter, tirer de ses armoires tous les tristes objets qu'elle avait mis de côté en lui disant « Agnès, ma vie se passe à me préoccuper constamment des impressions des autres. C'est pour l'amour de vous, chère fille, que j'ai mis si promptement de côté ce triste costume, et maintenant, la crainte de blesser les sentiments de ma chère belle-sœur m'induit à le reprendre pour quelques jours au moins, afin qu'elle puisse croire que c'est d'elle seule que j'attends ma première consolation. » Donc, le lendemain matin, Mrs. Barnaby montait dans la diligence de Bristol, emportant avec elle dans des cartons tous ses ornements lilas et gris, son blanc et son rouge, bien soigneusement dérobés à la vue d'autrui, tandis qu'elle-même présentait un parfait modèle de la douleur conjugale. « Conduisez-moi vers ma sœur, » dit la veuve aussitôt après qu'elle lui eut compté tous ses colis, et prenant à sa main un mouchoir de batiste, qui n'avait pas un atome de broderie, la voix prête à faiblir, les genoux prêts à trembler, et les larmes toutes prêtes à couler, elle suivit le domestique au premier. Mrs. Peters, en grand décorum, vint à sa rencontre. Mais elle n'était peut-être pas suffisamment préparée à la durée de l'embrassement dans lequel la retint cette sœur, inconnue jusque-là. Mrs. Peters était de petite taille. Elle se trouva pour ainsi dire perdue dans les grands bras et les draperies de la veuve, et quand enfin il lui fut permis d'en sortir, elle accueillit Agnès avec tant de grâce que la pauvre enfant se sentit grandement réconfortée par cette aimable réception. Pendant ce temps, chacune à son tour, et non sans une certaine impatience, les jeunes personnes se soumettaient, à l'exception peut-être de la grave et raisonnable Élisabeth, aux embrassements interminables et pleins de sanglots de leur nouvelle tante. Car, bien entendu, elles avaient regardé tant qu'elles avaient pu la charmante créature qui l'accompagnait. Quoiqu'il n'existât certainement aucune raison pour que la nièce de Mrs. Barnaby ne fût pas très belle, Mrs. Peters, aussi bien que ses filles, la regardaient avec une sorte d'étonnement. Il leur paraissait étrange de n'avoir pas entendu parler d'une beauté qui dépassait tellement les limites de l'ordinaire, et Agnès captiva tellement l'attention de tous qu'on ne pensa presque pas se moquer de Mrs. Barnaby. Mais quand, plus tard, les dames de la famille, se retrouvant en comité féminin dans le boudoir de Mrs. Peters, se demandèrent l'une à l'autre ce qu'elles pensaient de leur nouvelle parente, chacune ne semblait pouvoir dire que ceci. « Oh, elle a été très belle, certainement. Seulement, elle met du rouge, et elle est beaucoup trop grande. Mais avez-vous jamais vu une créature aussi belle, d'une aussi élégante beauté que sa nièce ?» Ainsi fut, à quelques variantes près, et selon le caractère de celle qui parlait, le jugement de toutes ces dames. Avant que cette opinion sur les nouvelles arrivées eût été décrétée dans le boudoir de Mrs. Peters, la tante et la nièce avaient aussi passé toutes deux à l'examen du père et du fils, qui les avaient rejointes à la table du thé. Eux aussi avaient tenu leur comité secret et échangé assez librement leurs opinions sur ce sujet. « Sur ma parole, James, c'est une bien belle femme. Et vraiment, je n'ai jamais vu personne se conduire mieux qu'elle en pareille occurrence. Au milieu de nous, qui lui sommes tous étrangers, et elle, pauvre âme, avec son pauvre cœur qui se brise à la pensée de ce qu'elle a perdu, je ne puis vraiment que l'admirer. Et je me flatte que nous saurons trouver les moyens d'arriver à ce qu'elle nous aime aussi. J'espère que vous êtes de mon avis, James. Oh mon Dieu, oui. C'est certainement une bien excellente femme, je n'en doute pas, mais... Monsieur, avez-vous jamais vu une aussi belle personne que sa nièce? Pour moi, elle m'a semblé être plutôt une vision, une émanation, qu'une réalité. Une quoi, James? Je vous demande bien pardon, mon cher père, mais je crois que j'ai déjà perdu la raison. Ne croyez-vous pas que... Je ferais bien de partir pour Oxford dès demain matin. Grand Dieu du ciel, non, James. Pourquoi vous en iriez-vous juste au moment où votre tante Barnaby arrive, elle qui a de si affectueuses intentions sur vous tous? Fort bien, monsieur, répondit le jeune homme plein d'entrain. Puisque tel est votre bon plaisir, je braverai le danger, en me remettant à la Providence. Mais bonsoir, mon père. Il faut que je dise un mot à mes sœurs avant qu'elles aillent se coucher. Et le privilégié visiteur entra dans le boudoir de sa mère au moment où les dames discutaient encore sur les mérites des nouvelles arrivées. « Ah, voici James !» s'écria Lucie, faisant de la place pour lui sur le sofa où elle était assise. « Voilà qui est charmant !»« Allons, maman, rasseyez-vous encore une fois. Écoutons ce que va nous dire d'elle cet accompli chevalier des dames. Croyez-vous maintenant, James, que Catherine McGee soit la plus jolie fille que vous ayez jamais vue ?»« La plus jolie ?»« Eh bien oui, la plus jolie !» c'est-à-dire la plus digne d'être distinguée parmi les plus belles, peut-être, répliqua le jeune homme avec une sorte d'air pédantesque. Mais, si vous voulez que je vous dise quel est, selon moi, l'être le plus ravissant parmi ceux qui ont reçu du ciel le privilège d'attirer des bénédictions sur la terre par le simple contact de leurs célestes pieds, je répondrai, c'est Miss Willoughby. Bravo, cela suffit, répliqua Lucie. Aussitôt que j'ai eu entrevu cette nouvelle divinité, je me suis demandé comment il s'en tirerait avec la belle écossaise. C'est très bien. Pauvre James, vous me faites vraiment de la peine, dit sa mère, car je ne puis guère vous laisser espérer cette fois-ci que le procédé qui vous a réussi jusqu'ici opère votre guérison. Je ne vois pas qu'il y ait chance qu'une plus belle encore vienne cautériser par une nouvelle flamme la blessure que Miss Willoughby, cette merveilleuse beauté, vous a infligée. Elle se rit des cicatrices d'un mal dont elles n'ont jamais ressenti les blessures, s'écria le jeune homme avec ardeur. Marie, Élisabeth, et quoi? Aucune de vous n'aura-t-elle un peu de pitié pour moi? Ah, que je vous envie! Vous pouvez jouir impunément de la vue de cet astre radieux, tandis que moi, comme dit ma mère, je suis condamné à être blessé au vif, sans nul espoir de guérison. Pour peu qu'il vous reste encore un atome de raison, fuyez, James, dit la sœur aînée. Pourquoi donc? S'écria la véridique Élisabeth. Si vous êtes déjà vraiment amoureux d'elle, je ne vois pas que ce soit si malheureux, car Mrs. Barnaby pourrait bien, dans ce cas, faire d'un seul coup son devoir, aussi bien envers vous qu'envers elle. Très vrai, Élisabeth, dit la mère. Mais aucun de vous ne semble se rappeler que, tandis que vous vous délectiez tous à jouir des charmes de la jeune personne, moi j'étais assommé par le tableau des nobles sentiments de la vieille, Qu'est-ce que j'ai dit là? De la plus âgée. James, souvenez-vous, demain, aussitôt après déjeuner, de leur offrir de les conduire à la recherche d'un appartement. Je sens que je ne supporterai pas cela longtemps. Maintenant, allez-vous-en tous, je suis morte de fatigue. Bonsoir, bonsoir. Il nous reste à savoir quelle a été l'impression de la tante et celle de la nièce sur leur réception. Car malgré les chambres séparées qu'on avait préparées pour elles, et avant de permettre à Agnès, qui tombait de fatigue, de jouir du véritable luxe d'une chambre à part, Mrs. Barnaby voulut se satisfaire par quelques petits commérages. Mrs. Peters avait jugé convenable de conduire elle-même Mrs. Barnaby à sa chambre. Une fois à la porte, elle se préparait à lui dire un dernier bonsoir, quand la veuve, la retenant par la main, lui infligea une nouvelle accolade fraternelle en y ajoutant « Vous ne pouvez savoir combien il est doux pour moi, ma bien chère Marguerite, car il faut que vous me permettiez de vous appeler ainsi. Vous ne pouvez savoir avec quel délice je vais reposer et ma tête et mon cœur meurtri sous le toit de la sœur de mon cher Barnaby. Hélas, ceux-là seuls qui ont souffert ce que je souffre pourraient me comprendre. Et pourtant, je désire tant que vous me compreniez. Mon cœur languit depuis si longtemps de ne pas être apprécié par vous. Entrez un petit moment, voulez-vous ? » Et la requête était secondée d'un petit mouvement de la main qui poussait Mrs. Peters tout doucement, mais assez toutefois, pour la tenir prisonnière dans la porte. « Je ne puis pas me séparer de vous avant de vous avoir expliqué un mouvement de mon cœur, un élan de sentiment, si je puis l'appeler ainsi, qui m'a saisi depuis que je suis entré dans cette chère demeure. Le temps est venu, oui, il est réellement venu, selon les lois de l'étiquette, de quitter ce costume de douleur, et comme mon excellente mère m'a élevé dans l'idée de suivre avec respect et en toute chose les usages de la société, j'ai dû me faire violence en cette occasion. Je me suis déjà procuré tous les objets nécessaires à mon changement de costume, mais jamais encore, bien chère Marguerite, et ici elle pressa son mouchoir sur ses yeux, jamais encore je n'ai eu le courage de les porter. Grâce au ciel, je me sens plus forte maintenant, et demain, quand nous nous retrouverons, vous verrez ce qu'a produit sur moi l'influence de votre vue et de celle de toute votre chère famille. Bonsoir donc, ma sœur. Je ne veux point vous retenir plus longtemps. Je compte sur vous, ma bonne Marguerite, pour expliquer à votre famille le changement qui va s'opérer dans ma tenue. Bonne nuit. Où est donc Agnès, ce pauvre amour ? Elle ne dormirait pas si elle n'avait pas reçu mon baiser du soir. Non, pas même dans votre élégante maison. Elle m'aime tant. Elle raffole de moi. Voulez-vous bien me l'envoyer ? Aussi satisfaite que possible, admirant in petto l'adresse avec laquelle elle avait manœuvré pour justifier le changement subit de son costume, la veuve, ravie de l'élégance imprévue de la maison de sa belle-sœur, de la manière dont elle était reçue, et par-dessus tout, de l'habileté avec laquelle sa lettre lui avait préparé les bonnes grâces de ses parents dont elle avait tant besoin, la veuve, dis-je, sonna sa Jerningham et attendit impatiemment sa venue, ainsi que celle de sa nièce, afin de pouvoir se livrer quelque peu à l'humeur enjouée et vantarde qui lui gonflait le cœur. « Eh bien, ma chère, dit-elle en éclatant à l'instant où Agnès entrait, j'espère que mon frère, ma sœur, mes nièces et mon neveu sont de votre goût. « Sur ma parole, Agnès, vous êtes la fille la plus chanceuse du monde. Pouviez-vous espérer être introduite dans une famille semblable, sur le pied de la plus grande intimité encore, et cela à votre premier pas dans la vie ? Il faut qu'il soit excessivement riche, cela n'est pas douteux. Jerningham, vous avez vu, bien sûr, beaucoup de domestiques ? Ah, Seigneur, oui, pour sûr, madame. Il y a un valet de pied, et un groom, et un cocher. Un cocher ? Interrompit Mrs. Barnaby. « Ils ont voiture, alors. »« Je n'avais vraiment pas idée de cela. Mon cher Barnaby ne me l'avait jamais dit. Voilà qui m'étonne. Et Jerningham, combien y a-t-il de femmes ?»« Oh, dame, madame, je ne saurais guère le dire. On m'a fait asseoir dans une chambre où il y en avait une, et je crois bien qu'il y en avait une ou deux dans une chambre à côté. Ce pourrait bien être la cuisine. Tout est si élégant ici. »« Oui, Jerningham, c'est vrai. Ah, soyez bien attentive à garder une apparence de bonne maison. » Et à me faire valoir dans une maison comme celle-ci, c'est très important. Vous m'entendez, Jerningham ? Je vous ai déjà dit quelques petites choses à ce sujet. Vous vous en souvenez ? Vous ne les avez pas oubliées, j'espère. Non, pour cela, bien sûr, madame, je n'ai rien oublié, et je compte bien leur dire. Mais, ayant regardé Agnès, elle s'arrêta court, comme si sa présence eût été la cause de son hésitation. Fort bien. Voilà qui va bien. Je vais vous donner ces gants. Vous les raccommoderez proprement demain matin. Je ne veux pas qu'on vous voie jamais sans gants, Jerningham. Et maintenant, défaites mon sac de nuit. Vous ferez bien, en même temps, d'ouvrir la malle aussi. Souvenez-vous de vous informer de l'heure du déjeuner et de venir me trouver précisément 1h30 avant. Je mettrai demain ma robe de satin noir, avec ses ornements couleur lavande. Vous savez où prendre tout cela, n'est-ce pas ? Oui, madame. Très bien, n'oubliez rien. Et je vous donnerai ce bonnet au nœud lilas que j'ai sali à Exeter. Miséricorde, Agnès, comme vous bâillez. Je suis très fatiguée, ma tante. Je vous souhaiterai le bonsoir, si vous le permettez. Comment ? Sans un mot, sans une réflexion sur tout ce que vous avez vu. Cette maison si élégante, ces jeunes gens si distingués. Ils ne vous plaisent pas, peut-être. Eh bien, vous êtes stupide, Agnès, voilà tout. Mais si, ma tante, ils me plaisent beaucoup, mais j'ai trop envie de dormir pour pouvoir leur rendre justice. Je suis heureuse d'entendre cela, mon enfant. J'espère que vous ferez de votre mieux pour que l'on vous trouve aimable aussi de votre côté. Si vous n'étiez plus tellement enfant, ce jeune homme pourrait certes devenir pour vous l'occasion d'un fameux mariage. Mais je crois qu'il ne faut pas songer à cela. Vous pouvez vous en aller maintenant. Ah, attendez une minute. Écoutez bien, Agnès. J'ai expliqué à ma sœur ma manière de voir au sujet de mon deuil. Ayez bien soin de faire comprendre aux jeunes gens que si vous gardez pour quelque temps encore le crêpe et la lépine, c'est uniquement parce que vous le préférez. Et en passant, je puis bien vous le dire, le grand deuil vous va dans une perfection rare, ma chère. Je vous engage à ne pas le quitter de sitôt. Je regrette de devoir vous apprendre que plus je vais, plus je m'aperçois que tout est beaucoup plus cher que je ne m'y attendais. J'ai pris un si grand soin de mon deuil qu'on dirait que je ne l'ai pas porté. La belle robe, surtout, est comme neuve. Aussi j'ai pensé que ce qu'il y avait de mieux à faire, c'était de faire ajuster tout cela à votre taille. Quand votre robe sera usée, bien entendu. Mes chapeaux vous iront aussi admirablement. Quand j'aurai appris à Jerningham à laver le crêpe dans de la bière, ils seront tout neufs. Et de cette manière, vous voyez, ma chère, j'arriverai à économiser pas mal de livres sterling. Merci, ma tante, répondit doucement Agnès. Voilà ce qui s'appelle une bonne fille. Allez vous coucher maintenant.